deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild snap, work spell. Here's another shot, right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Oh, the Bayon is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The Bayon have won. Et pour une dernière fois cette année, bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières! Bienvenue à l'écoute de partie. Comment ça va, Pialuc? Ça va très bien, toi? T'as l'air à te plaire vraiment à entendre cette chanson-là. Ouais! Un fan des Nordiques, toi? Un grand fan des Canadiens. Mais chante-toune de... Aïe, aïe. Tu l'aimes pas, non? Non, vraiment pas. Je l'ai entendu hier au réseau des sports. Ça, c'est un classique, ce toune-là. Ça remonte à des années et des années, là. C'est dans le temps que les Canadiens étaient bons. Oh! Ben, t'as pas tort. J'ai pas tort ça. Hey, cette semaine à l'émission, on a un très, très gros line-up. Écoute, on a le All-Star, le crew All-Star est vraiment là. Au menu, bon, on va parler des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je pense que t'as beaucoup de choses à parler là-dessus. Oui, ben, c'est les séries éliminatoires, donc les demi-finales qui opposent les Tigres de Victoriaville aux Sea Dogs de Saint-John. Et aussi les Vultures de Drummondville aux Wildcats de Moncton. Donc, on parle de ça et on va parler un petit peu aussi de qu'est-ce qui s'en vient à la Coupe Memorial avec les équipes de l'Ouest et de l'Ontario. Ah, c'est intéressant, ça va être bon. JP va venir nous parler, de baseball, va parler de boxe aussi. Tu as écouté Combo Bouté? Je l'ai pas écouté. J'ai lu les nouvelles dans les journaux, mais non, j'ai pas pu écouter le match, malheureusement. Écoute, lentement, mais sûrement, Bouté est en train de faire son nom. Ouais. C'était un combat qui avait une très, très grosse valeur pour lui au niveau de. Bon, Miranda était un des noms les plus connus aux États-Unis dans sa catégorie que bon, Bouté avait pas affronté. Ça aide dans les tops, là. Mm-hmm. Mais tu sais, un gars qui a un nom, là. Bon, ben, il a réussi à défendre ça. Il a réussi à défendre sa ceinture. Il l'a planté, disons-le. On va parler de ça. On va parler de plein de petites nouvelles. Et en fin d'émission, dernière partie de l'émission, on va parler de la Coupe du monde de soccer qui s'en vient cet été. C'est en Afrique du Sud. Paul-Emmanuel Kéré et Philippe Wallace-Doucet vont être en studio. Oui. Venez nous parler de ça. Nos chers communicateurs. Oui, les gens à la communication avec nous, donc, ils vont nous parler. Restez pas surpris, par contre, Paul est français, donc il y a un accent. Fallait bien spécifier. C'est désagréable à première vue, mais à première écoute, mais on s'y habitue à longue. Donc, 9h10, allons-y tout de suite avec les actualités. Bulldogs d'Hamilton, Pierre-Luc, bon, oui. Tu sais, sont en série à fond de Moose du Manitoba. Ouais. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière qu'elle allait les affronter. Ben écoute, je vais te parler des résultats. Le premier match était disputé vendredi dernier. Jeudi dernier plutôt. On sait qu'ils sont disputés, ça donne le même, mais les mêmes soirs que les matchs du Canadien. Donc ça change pas. Premier match, les Bulldogs reçoivent le Moose. Ça se termine 2-0 en faveur des Bulldogs. 21-18, quand même une partie défensive. Hein? 21-18, les tirs en faveur de Manitoba. Les marqueurs, c'est pour les Bulldogs, c'est Glumac qui marque son premier. Mike Glumac. Les droits, bon, qui les aide à Ryan White et P.K. Subban à 5,54 de la première période. Et finalement, en troisième période, c'est Ryan Russell qui fait son premier des séries aussi. Les aide à White et Benoît, André Benoît, si je ne m'étrange pas exactement. Donc, c'est un Albertain, par contre, vient de Saint-Albert en Alberta, en Ontario plutôt. Donc, 3688 personnes au Cops Coliseum. Pas une foule impressionnante quand même. J'ai hâte de voir bon, ce que ça donnait pour samedi soir. Samedi après-midi, probablement. Au niveau des résultats de la foule. Donc, pour voir. Le gagnant, Cédric Desjardins, qui enregistre le blanchissage 1-0 de la série pour les Bulldogs. Deuxième match, et c'est un festival offensif. Here we go. On est parti. Les Bulldogs d'Hamilton emportent 8-2 contre le Moose. C'est 37-30 les shots dans la partie, les tirs. Le gardien gagnant, ben Cédric Desjardins qui n'a accordé que 2 buts. De l'autre côté, Corey Schneider avait débuté le match, a accordé 5 buts en 32 minutes, a laissé sa place à Darren Matchesney, qui lui a accordé 3 buts par la suite. Les buteurs, Hamilton ouvre la marque à 6 minutes 32 dans l'avantage numérique, c'est David Desharnais. Bon, Bliznak vient faire la marque 1-1, c'est chaud en première période, ça se termine 1-1. Donc, on peut pas s'attendre à ça. C'est à la deuxième période que ça commence. Ryan Russell, P.K. Subban, Gloomack, on a aussi Brock Trotter, et deux fois Brock Trotter à 19-53, son deuxième. Bon, qui vont venir faire la marque 6-1. Donc, pouf, c'est fini en tant que tel. On s'entend que être Manitoba, t'es plus le gars le plus inspiré au monde. Troisième période, du côté de Manitoba. Bon, ben, ils vont revenir changer la marque un petit peu en marquer un. C'est Dan Sexton, l'ailier droit, qui va venir faire son premier des séries. Par contre, à 2 minutes plus tard, c'est J.T. Wyman en désavantage numérique qui vient faire un tir de pénalité sur un désavantage numérique. Donc, J.T. était parti s'en échapper, j'en déduis. Il vient faire son premier. Et finalement, à 13-44 en avantage numérique, c'est Alex Henry qui vient faire lui aussi son premier. Donc, félicitations vraiment aux Bulldogs là-dessus. Les avantages numériques, 4-8 pour les Bulldogs, 1-4 pour les Manitoba. Je pense que la game s'est jouée là. 50% d'avantage numérique, quand t'en as 8, ben, ça donne 4 buts. Ouais, ben, souvent, ça décide c'est de là la, que ça fait le la match. Différence. Je te parlais un peu des foules. Bon, ben, samedi, 5626 personnes. Donc, tu sais, une bonne différence entre les deux, quand c'est un match de semaine et un match de fin de semaine, du côté des Bulldogs, malheureusement pour eux. Donc, par contre, 5000, ça, c'est une bonne foule pour la Ligue américaine. En pleine semaine, oui. Normalement, tu rentres dans tes frais. Mais c'est tout dépendant, par contre, le comment ça coûte le Louis Cops Coliseum. Là, ça, c'est tout à la question. Là, je sais pas ce qu'ils ont comme bail. Finalement, ils jouaient, bon, ben, comme le Canadien, ils jouaient un match hier. Ça s'est terminé, par contre, inverse totalement, 7-2 en faveur de Manitoba. Par contre, présenté au Manitoba. Oui, exactement. Et ça n'a pas été un succès dans les filets pour Cédric Desjardins qui n'a reçu que 20. Bon, ben, ils ont, le Moose a tiré que 24 fois. 7 buts, ça veut dire un but tous les 3 tirs. Tandis que les Bulldogs ont tiré 36 fois. Et Guy Boucher ne l'a pas remplacé. Ah oui, il l'a remplacé après 4 buts accordés. Donc, après 22 minutes, il l'a retiré. Lui, il avait fait 4 arrêts sur 8 tirs. Donc, c'est pas fameux. Non, hein, pour ta moyenne, ça fait mal un peu. On a mis Robert Meyer, qui lui n'a pas été plus excellent. 3 buts accordés en 16 tirs. Ça n'a pas été fameux de leur côté non plus. Les buts, bon, ben, du côté de Manitoba, je vous dis ça rapidement, vu qu'on les connaît un petit peu moins. Jordan Schroeder, la recrue, qui est venue faire le premier et le deuxième but du match en avantage numérique, les 2 buts. Des aides à Desbiens et Stachny. En deuxième période, c'est Sexton qui vient faire son deuxième des séries. Jordan Schroeder, ensuite, à 2,43, vient compléter son tour du chapeau. Et par contre, le Moose Manitoba va réussir à... Pas le Moose, excuse. Les Bulldogs vont réussir à s'inscrire à la marque. C'est Chad Anderson qui fait son premier. Ryan White, par la suite, fait aussi son premier. Donc, ça se trouve à ce moment-là à être 4-2 en faveur... Bon, de Manitoba, on se dit peut-être qu'on va être capable de remonter, on sait jamais. Et non, en troisième période, 3 buts de la part de Manitoba. Desbiens qui a connu tout un match, Guillaume Desbiens, vois-tu. À date en série, lui, 4 points en 3 matchs. Tu sais, pour faut pas que tu oublies qu'ils ont été blanchis un match, puis l'autre match, ils en ont compté seulement 2. Donc, lui, dans ce match-là, bon, ben ça, c'était son premier, et il a été chercher 2 passes. Donc, un but, 3 passes plutôt pour Desbiens, 4 points. Tout dans ce match-là. Yann Stachny vient faire son premier. Une à la Schroeder. Donc, 4 points aussi pour Schroeder. Et Marco Rosa à 16-38 vient faire la marque, vient mettre la marque 7-2. Il y avait 7546 personnes au MTS Center de Winnipeg. toute une foule, ça marche fort de toute façon tout le temps au Moose Manitoba. Sais-tu un peu comment c'est fait? Je sais pas, je l'ai déjà expliqué à non, mais je leur explique comment c'est fait un peu le MTS Center. Non, vas-y. Alors, c'est un arena de 15 000 places, OK? Mais on veut créer une demande, bon, pour ouais, pas que, tu sais, je l'ai-tu déjà dit? Ouais, en tout cas, je vais leur dire rapidement. Les galeries en haut. C'est ça, comme... on ferme la galerie en haut, ouais. On met des toiles là-dessus. Donc, en tant que tel, il y a 8 000 billets disponibles à chaque match, ce qui fait que t'étais pas loin d'une sidecombe de ce côté-là, du côté de Manitoba, pour un match de semaine, alors que bon, les Jets jouaient pas. Ça aurait pu, là. Si jamais le mot se rend plus loin et on s'en va, exemple, dans les finales et tout, est-ce qu'on va les ouvrir pour... Probablement, j'en déduis. Pour avoir plus de profit. Si la demande est là, je vois pas pourquoi qu'ils les ouvriraient pas. Je veux dire, c'est juste des toiles. T'as pas, non, c'est ça. Tu défais. Merci. Matin est parti. Merci. Je l'ai accroché. T'aimes pas ça? Écoute. Non. Écoute comment c'est bon. Ah, oh, j'allais jouer en background. Ah, mon Dieu. T'es pas un fan. Non, loin de là, malheureusement. Donc, dans le match, bon, les étoiles sont Guillaume Desbiens, Jordan Schroeder et Ryan McGinnis. Ouais, excusez, on n'a pas été à finir de ce qu'on disait, mais j'ai l'impression que oui, il ouvrirait logiquement le toit. Ce serait logique, là. C'est pas comme aux expos où c'est que c'était tout à ouvert, mais il y avait juste personne qui allait. Donc, écoutez, c'est ça en tant que tel. Je vais vous parler un peu des autres séries qui se jouent présentement. On le sait, bon, savoir qui les Bulldogs vont affronter s'ils n'ont pas. Je sais que ça n'a pas été un bon résultat hier, mais on peut se dire que, bon, avec les performances de Desjardins, 4 buts à 8 tirs, c'est le genre de choses qui éteint ton équipe, mais les Bulldogs devraient passer facilement à travers du Moose. Je suis pas très inquiet. Oui. Dans les autres séries, bon ben écoute, les Sharks de Worcester, Club École des Sharks de San Jose, logiquement, affrontent les Devils de Lowell. Bon, ok, vous avez compris le principe. c'est 2-1 pour Lowell dans la série. De leur côté, les Pirates de Portland, qui eux sont le Club École des Sabres de Buffalo, affrontent les Monarchs de Manchester. Un petit peu plus compliqué, par exemple, hein? Ben, tu disais tantôt, vous avez compris la game. Ouais, non, c'est celle-là, ça, c'est ça. Un petit peu plus compliqué. Mais moi, je peux faire ça personnellement. Si t'es pour avoir un club, tu sais, créer une identité dans ta ville. Les Bears de Hershey, qui sont là, genre, depuis 1936 à Hershey, ils ont un aréna nouveau, ça marche fort, le hockey. Pareil à Winnipeg. Pourquoi? Bon, ben, c'est parce que c'est le Moose du Manitoba. C'est les Bears de Hershey, c'est les Bulldogs. Ça représente plus la ville. C'est pas les mini Canucks. T'as pas l'impression d'aller voir des enfants jouer, ouais, tu vas voir une équipe, bon, puis tu sais qu'il y a des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale. Donc, dans cette série-là, vois-tu, Manchester tire de l'arrière. Non, mène la série 3-0. Donc, ça devrait se finir assez rapidement de ce côté-là. Le Manchester qui est club école, bon, ben, des Pirates de Portland, des Kings de Los Angeles. Les Americans de Rochester, club école des Panthers de la Floride, affrontent le Heat de Abbotsford, qui eux sont le club école des Flames de Calgary. Un peu bizarre, le club école des Flames de Calgary se trouve en Colombie-Britannique, dans un endroit où il y a quand même beaucoup de fans des Canucks. Donc, exactement. Donc, vois-tu, je te dis un petit peu, les matchs, vois-tu, Abbotsford a gagné la première, Rochester a gagné la deuxième et la troisième, 8-4. Donc, c'est eux qui mènent la série. Dans une autre série, bon ben les Bears de Hershey, je t'en parlais, affrontent les Sound Tigers de Bridgeport. C'est la série 1 contre la série 5 au niveau du classement. Donc, il n'y aura pas grand chance là du côté des Sound Tigers. Ça serait plutôt étonnant. Donc, vois-tu, les Bears de Hershey ont remporté la première, la deuxième, la troisième. Ils se sont inclinés dans la quatrième 4-1. C'est 3-1 dans la série pour 1. Les Wolves de Chicago, de leur côté, eux autres aussi, une force, affrontent les Admirals de Milwaukee. Admirals de Milwaukee qui ont signé Charles-Olivier Roussel cette semaine. Bon, ben, Charles-Olivier qui a signé avec les Prédateurs de Nashville, s'est rapporté à leur club école, les Admirals de Milwaukee. Ils disputent les séries présentement. Écoute, il était dans un match hier, je vais juste te dire, s'il a participé à la rencontre, je regarde la fiche de match et il ne semble pas avoir joué toutefois. D'un autre côté, on avait Blake Geoffrion, le petit-fils de Boom Boom Geoffrion. Blake, par contre, qui est américain, son fils est né. Son père a joué aux États-Unis, donc c'est pour ça. Je vais regarder aussi s'il a joué dans la partie de dimanche. Non plus, donc Charles-Olivier Roussel n'a pas été habillé dans les deux parties. Malheureusement, mais on le garde. Probablement qu'on veut. C'est une police d'assurance. Donc, dans cette série-là, Chicago a remporté la première et la deuxième partie. Ils ont terminé 6-0 dans la troisième et l'ont remporté hier soir 1-0 contre les Admirals. Finalement, les deux dernières séries, rapidement, les River Rats d'Albany affrontent les Penguins de Wilkes-Barre, Scranton. Bon, ben, River Rats, c'est le club école de la Caroline. Tandis que les Penguins, bon, ben, ça, je te le dis pas. C'est évident. C'est déjà terminé. Albany a remporté les quatre matchs par la marque de 4-3, 3-2, 2-1 et 5-3 hier soir. Terminé de ce côté. Et finalement, les Stars du Texas affrontaient les Ice Hawks de Rockford. Donc, Stars, tu le sais. Ice Hawks, c'est les Ice Hawks. C'est les Blackhawks de Chicago. Seulement deux matchs à disputer dans cette série-là. On a commencé ça vendredi et ça se continue mercredi. Donc, bizarre un peu comme la série est faite ici. Texas a remporté les deux premiers matchs 2-1 et 3-2. Donc, c'est quand même rapide. C'est ce qui fait le tour un petit peu des séries. Je vous parle rapidement des statistiques. Alexandre Giroux, là, toujours excellent dans les ligues mineures, mais pas tant que ça dans la Ligue nationale. Alexandre Giroux, qui a une moyenne de 2 points par match, 8 points en 4 matchs. Il est suivi de Mike York. Mike York, ça a joué longtemps dans la Ligue nationale, ça, Mike York. 8 points, lui aussi, en 3 parties. Donc, ça va fort pour Mike York, et les Americans de Rochester. Et du côté des Bulldogs, j'essaie de vous trouver s'il y a quelqu'un dans le top 20 dans les points. Mais malheureusement, ça semble pas être le cas où j'ai les yeux qui me... Non, il y en a pas, mais le top 20 plutôt est très occupé par les Bears d'Hershey, les Rochester d'Americans et les Admirals de Milwaukee. Donc... Ils ont joué un match de plus aussi, ils sont rendus à 4 matchs. Ouais, aussi, donc, c'est pour certains. Ben, tout dépend avec elle. Là. Mais vois-tu, Piqué Souben est le meilleur pointeur des Bulldogs d'Hamilton. Il vient au 21e rang avec 4 points en 3 matchs. De toute façon, il n'est pas le seul avec 4 points. Là. Il pourrait tout autant être 11e aussi. Donc, ouais. C'est serré. C'est une question de page Internet. Où est-ce que tu cliques puis où est-ce que tu coupes? Rien de très compliqué. Allez, on va aller en musique. On va aller écouter, un peu de Omnicrom. On va aller écouter la chanson Vedette que je trouve excellente personnellement. C'est un peu rock. C'est Omnicrom avec The St. Catharines. Ça s'appelle Vedette. Ça plante un peu tout ce qui est artistique au Québec. Et je vous rappelle que vous écoutez L'Inconduite de Parti sur les ondes de C'est Fou. Pour nous jouer à la studio, live à commercial l'inconduitedeparti.com, notre site web l'inconduitedeparti.com. Bonne tune tout le monde. Vous voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Omnicrom avec la chanson Vedette. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. On y va avec le hockey junior majeur. Pierre-Luc, les séries, on est rendu en demi-finale. Demi-finale. Bon, les équipes qui s'affrontent, on le savait, c'était 4 puissances. Ouais. Est-ce que les séries sont si chaudes que ça? Pour l'instant, non. Je te dirais que la première, c'est du côté des Maritimes que ça va très bien. Les équipes des Maritimes sont vraiment en feu. Moi, personnellement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus serré, qu'on ait eu de meilleures séries. Mais encore là, c'est jamais fini, hein, une série 4-7, seulement 2 matchs de fait. Donc, on va commencer tout d'abord avec le premier match qui avait lieu vendredi. Vas-y. Du côté de Saint-Jean. Donc, les Tigres de Victoriaville qui devait se rendre au Arbor Stadium à Saint-Jean pour y affronter les Tigres. Sérieux, là, Pierre-Luc, là, on va en parler avec tout le monde qui écoute. Là, ton accent anglais est tout simplement magnifique. OK, Arbor, ça a quand même bien été, là, mais moi, je veux le dire, là. Il y a un joueur qui évolue pour les... Il m'envoie chier. OK. Il y a un joueur qui évolue pour les Tigres d'Hamilton. Voudrais-tu le nommer, s'il te plaît? Les Tigres d'Hamilton, les Tigres de Victoriaville. Travis McIsaac. Yeah, OK. Ça va bien. Mais toute l'année, là, t'as déformé le nom de ce gars-là. Travis McIsaac, McIsaac, Mishkizaac. Mais... là, je me dis, écoutez, c'est notre dernière émission cette année. Ben, on dit cette année, là. On parle en termes d'année scolaire parce que tous les deux, on n'est pas dans la région trifluvienne pour l'été. Non. Donc, je me suis dit, je vais te pincer aujourd'hui. Non, avec non, ça. Pince-moi. C'est fait. Donc, vas-y avec. Continue, je te laisse aller avec le Arbor Station. Merci de la précision. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, je laisse y aller avec l'Arbor Station. Stadium. Stadium. Arbor, c'est pas Arbor Station, c'est Arbor Station. Station. OK. La station du port. Arbor, c'est ça, port? Ouais. Mais avec un T, là, pas un P. Ouais. Pas un C ou un OR. Par. Je l'ai déjà fait, en fait, cette joke-là. Ça, c'était du déjà vu. Ouais, c'est du déjà vu. J'étais en reprise aujourd'hui. Ouais. Donc, première période, ça débute. Les Tigres de Victoriaville qui prennent rapidement les devants. Brendan Hines qui donne les devants 1-0 au Tigre de Victoriaville sur des passes de Philippe Maillet et Yannick Gourde. Guillaume Goulet vient rajouter quelques minutes plus tard pour faire 2-0 pour les Tigres de Victoriaville. Donc, ça allait bien jusqu'à maintenant pour les Tigres de Victoriaville. 2-0 contre une des plus grosses équipes de la Ligue, contre celle qui a terminé aussi au premier du classement général. Mais ça n'a pas été long que les Sea Dogs sont revenus de l'arrière. Question pour toi, tu dis au classement général, c'est de la Ligue ou c'est au Canada? C'est de la Ligue. Au Canada, est-ce que tu sais qu'ils ont fini comme antième, Saint-Jean? Je ne sais pas. Je sais qu'ils étaient premiers à m'amener. Je ne sais pas. Écoute, je te sors ça. Je te laisse continuer. Je te sors ça ici. C'est le top 10 Mastercard, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc, voici selon le top 10 Mastercard directement du site de la CHL, LCH. C'est les Colts de Barry. Saint-Jean a fini deuxième là-dedans. Parce que les Colts ont fini avec 57 victoires, 9 défaites et 2 défaites en fusillade. Et les Voltigeurs de Drummondville. Quatrième, c'est les Voltigeurs. 51-15-02. Entre eux autres, bon, ben, les Saint-Jean deuxième et les Spitfire de Windsor sont troisième. Oui. Là-dessus, les Wildcats ont fini septième, Victoriaville dixième. Donc, tu sais, on en parlait. Quand même quatre équipes là, dans le top 10 du Canada. De la Ligue canadienne de hockey, là, c'est excellent. Pis c'est les quatre qui s'affrontent, c'est ça qui est bon. C'est, ouais, c'est ça. Ça garantit un spistac. Ouais. Ben, garantie spectacle. C'est encore drôle. Ben, je pense que sur la glace, ça a fait un très, très bon spectacle. Mm-hmm. Là, mais pour l'instant, les résultats, n'y sont pas. C'est moins serré qu'on le croyait. Donc, 2-1 pour les Sea Dogs après une période. Deuxième période, aucun but. Troisième période, les Sea Dogs de Saint-Jean qui vont pas de main morte, je te dirais. Mike Hoffman, qui va tout d'abord créer l'égalité 2-2 à l'aide de Stanislav Galiev. Et ensuite de ça, Mike Thomas qui donne l'avance 3-2 aux Sea Dogs de St. John's. C'est McCauley et Danick Gauthier qui sont les assistants. Et finalement, Mike Kirkpatrick qui vient semer la victoire, donner la victoire aux au Sea Dogs de Saint-Jean, 4-2. Donc, assisté de Simon Després et Nicolas Peterson. C'est un but à l'avantage numérique. Okay. Donc, ça se termine 4-2 la marque pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Ça a été quand même assez serré dans la partie. 32-29 dans les tirs. Saint-Jean a compté un but en 4 occasions en avantage numérique. 0-2 pour les Tigres de Victoriaville. Donc, c'est ça. Mark Kirkpatrick est la grande vedette du match, lui qui a compté 2 buts, le premier et le quatrième du match. Mike Hoffman, 1 but. Et Joël Champagne, des Tigres de Victoriaville, est la troisième étoile du match. Nicolas Peterson, aussi un ancien des Cataractes de Shawinigan, qui est maintenant pour les Sea Dogs de Saint-Jean, a 2 passes dans la victoire. Tout ça déroulé devant 5217 personnes réunies à Saint-Jean. Ouais, ben, ils ont un bel aréna. Ils ont un aréna capable d'accueillir quand même beaucoup. Qui accueillait les Maple Leafs de Saint-Jean il y a plusieurs années. Non, c'était les Flames de Saint-Jean. Ça reste un club de la Ligue américaine. Ouais. Tandis que l'autre, les Maple Leafs, étaient sous l'île, eux autres, au Newfoundland. D'accord. Kevin Poulin et Marco Cousineau sont les deux gardiens d'honneur pour la série. Et je te dirais que ce n'est pas des gardiens piqués des verts. Deux excellents gardiens de but qui s'affrontent. Donc, dans le premier match, c'est Marco Cousineau qui a eu le dessus sur Kevin Poulin et ses deux adversaires qui se connaissent probablement très bien, puisque Cousineau était à Drummondville l'an dernier et Poulin à Victo. Donc, on connaît la rivalité entre ces deux équipes. Deuxième match, samedi, c'est toujours du côté de Saint-Jean. Première période, les Tigres de Victoriaville, pour la deuxième fois de la série, prennent les devants 1-0. Encore une fois, c'est Brendan Hines qui marque le premier but de la partie, assisté de Travis McIsaac et Chris Doyle. Je fais attention maintenant, là, je te dirais. Je vais plus m'en faire pogner. Ça va venir, ton accent. Ça va venir. Il y en a plein là, qui parlaient très mal anglais, puis aujourd'hui, ils parlent bien. Gars. Ben ouais. Céline Dion ou Luc Gélin. Céline Dion. Luc Gélinas. Donc, première période toujours. Les Sea Dogs de Saint-Jean, qui crée l'égalité, c'est Nicolas Pard, assisté de Nathan Beaulieu et Yann Sauvé. Donc, c'est 1-1. Après une période, en deuxième période, encore une fois, la machine des Sea Dogs qui se remet en marche. Thomas Jerko en deuxième but, Stanislav Galiev en marque un autre et Danick Gauthier qui en rajoute un quatrième. Donc, c'est 4-1 pour les Sea Dogs de Saint-Jean après deux périodes. Du côté des Tigres de Victoriaville, je pense que ça l'a brassé pas mal dans la chambre entre la deuxième et la troisième période. Yannick Jean qui a dû pas être très content de la deuxième période. 3 buts là, qui donnent les devants aux Sea Dogs de Saint-Jean, 4-1. C'est pas full le fun. Dont 2 buts en avantage numérique. On va reparler des avantages numériques. Jonathan Huberdeau, en troisième période. Encore lui, le jeune de 16 ans. Probablement un des prochains prospects là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, qui vient racheter un cinquième but. Encore une fois, un avantage numérique assisté de Mike Hoffman et Stanislav Galiev. Donc, 5-1, les Sea Dogs de Saint-Jean. C'est de cette façon que se termine le match. 2-0 dans la série que les Sea Dogs mènent. On regarde, justement, je voulais parler des avantages numériques avec toi. Les Tigres de Victoriaville, 0-5. OK. Les Sea Dogs de Saint-Jean, 3-11. Donc, 11 occasions, 11 avantages numériques pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Je pense que les Tigres ont été très indisciplinés, dont en deuxième période, là, que ça n'a pas bien été de leur côté. Donc, il va falloir faire attention dans les prochains matchs. Fin de troisième aussi, on a eu quelques pénalités là, à partir des trois dernières minutes. Là, on peut voir Chris Doyle, Maxime Robichaud, Philippe Dano et DeVos à 18-51 aussi. Un peu frustration peut-être de leur côté là, quand on perd 2-0 dans la série, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait de la frustration. Mais encore là, contre un club comme les Sea Dogs de Saint-Jean, tu peux pas te permettre de prendre 11 punitions dans une partie. Non, ça c'est vrai. Parce que le résultat est là, hein, 5-1, victoire de Sea Dogs de Saint-Jean. 2-0 dans la série, ça se transporte à Victoriaville maintenant. C'est cette semaine, donc mardi. C'est ce soir, lundi. On est mardi, excusez-moi, je suis tout mêlé, fin de session. Donc, mardi et mercredi soir, les matchs au Colisée des Jardins. Troisième et quatrième match. Et si je ne me trompe pas aussi, il y a l'autre match aussi, parce qu'on jouait 3 matchs de suite au Centre Macédoine, si je ne me trompe pas. C'est vraiment Merci. Ouais, ça, c'est du côté de Drummondville. Ah, c'est Drummondville, excuse-moi, ouais, c'est mon erreur. Okay. Non, t'as peut-être raison, c'est du côté de Victoriaville, on va aller vérifier. Sainte-Marcelle-Diane, une fois, deux fois. Non, c'est... Non, c'est vraiment la série Vito. Oui, c'est ça. Donc, les Tigres de Victoriaville, qui vont avoir comme trois matchs à domicile, vont-ils réussir à remporter ces trois matchs pour retourner à Saint-Jean avec une avance de 3-2? Ça sera confirmé, mais je te dirais que devant leurs partisans, probablement que les Tigres vont être beaucoup plus boostés. Puis les Tigres, quand même, ont un très, très gros club là, en avant d'eux. Donc, on espère. Ça joue là, ça joue là. Parce qu'on n'en parle pas un autre, parce que là, je pense ça ira pas plus loin que ça. Non, c'est ça. Mais si jamais ça se finit en 4, puis tu sais, on n'a pas encore parlé, mais ça va pas vraiment mieux pour Drummondville qui perd. Qui traîne la patte. Tu me voles mon punch? Non, mais c'est ça, mais je veux dire, pour ces deux équipes-là, ça montre à quel point les deux équipes des Maritimes étaient en haut de tout le monde. Ouais, ça montre que la section maritime était vraiment une coche en haut là, des autres. C'est ça, Marco Cousino aussi qui a été excellent durant ces deux matchs. Tout d'abord, dans le premier match, 27 arrêts. Dans le deuxième, 32 arrêts. Donc, je pense que Marco Cousino y est beaucoup. Pour la victoire des succès des Sea Dogs de Saint-Jean. Merci. C'est plaisir. Donc, c'est ce qui est pour les Tigres de Victoriaville. On revient après la pause. On va parler des Voltigeurs de Drummondville qui continuent leur série face aux Wildcats de Moncton. Donc, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou comme... C'est fou, c'est comme faire une série végétarienne. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

Eagles of Death Metal avec la chanson Don't Speak. I came to make it bang. On continue ça avec le hockey junior majeur. Puis à Luc, vas-y, défoule-toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la série Drummondville contre Moncton? Ben, tout d'abord, vendredi, c'était du côté de Drummondville. On sait les Voltigeurs de Drummondville qui ont terminé deuxième au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, ils étaient les hôtes pour les deux premiers matchs au centre Marcel Dionne pour recevoir les puissants Wildcats de Moncton. Parce qu'on nous a pas fini en haut des Voltigeurs, mais non, on le sait. Ils se sont pactés un club pendant la période des fêtes. Le retour de Nicolas Riopelle avec l'équipe, je pense que ça leur a permis vraiment d'avoir une puissance au sein de cette équipe-là. Donc, les Voltigeurs n'affrontent pas n'importe quelle équipe. Première période, les Wildcats de Moncton qui prennent les devants 1-0 sur un but de Simon Jaudoin, assisté de Randy Cameron et Nicolas Deschamps. Ensuite, les Voltigeurs de Drummondville vont créer l'égalité sur un but de Sean Couturier, assisté de Chris DiDomenico et Gabriel Dumont. C'est 1-1. Les Wildcats de Moncton, toujours en première période, reprennent l'avance 2-1 sur un but de Nicolas Deschamps. Nicolas Deschamps, un ancien des Saguenayens de Chicoutimi. Un autre qui a été cherché en elle. Oui, c'est ça, un autre des très très bonnes acquisitions qui sont allés chercher. Avec Tessier, Bourque. Qui qu'on a... Gabriel Bourque. Ouais, Gabriel Bourque. Qui qu'on a été chercher d'autres aussi, tu peux-tu... Défenseur. Ben, si ça t'a des chants, en tout cas, je veux pas... Je pense que ça ressemble pas mal à ça. Ouais, ça ressemble à... Je pense que c'est quand même trois... Ouais, ben c'est ça, j'ai Riopelle dans la tête. Ouais, Riopelle, c'est le quatrième élément, mais ouais. Ça, c'est pas une échange, c'est plus... Il est revenu... Une descente. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, 2-1 pour les Wildcats de Moncton après une période. En deuxième période, c'est Sean Couturier qui vient créer l'égalité 2-2, assisté de Olivier Hutt. Jusqu'à maintenant, tout va bien pour les Voltigeurs de Drummondville. On est encore dans la partie... Mais deuxième période, c'est toujours plus, ça s'en vient plus difficile. Gabriel Bourque et Alex Saulnier, tour à tour, viennent déjouer le gardien des Voltigeurs de Drummondville. Ensuite, pour faire 4-2. Donc 4-2 pour les Wildcats de Moncton après deux périodes. Finalement, troisième période, les Wildcats s'en rajoutent un autre. C'est Scott Brannon qui vient déjouer le gardien des Voltigeurs de Drummondville pour porter la marque à 5-2. Quand même, les Voltigeurs vont faire un troisième but pour porter la marque 5-3. Blanchard, son prénom est... Le défenseur? Ouais, j'ai dans la tête Jean-Christophe, mais ça, c'est plus Patrick. Ah, pour les Drummondville? Ouais, le Blanchard. Rémi Blanchard. Rémi Blanchard, c'est bien ça, merci. Ça fait plaisir. J'avais Jean-Christophe dans la tête. Ouais, puis, c'est ça. Donc, porter la marque 5-3, c'est de cette façon que ça se termine. Victoire des Wildcats de Moncton, 5-3 sur les Voltigeurs de Drummondville. Nicolas Deschamps, la première étoile du match, un but, une passe dans la victoire. Sean Couturier, même dans la défaite, est la deuxième étoile du match. Lui qui a quand même réalisé le premier but et le deuxième but des Voltigeurs de Drummondville. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce temps-là, les Voltigeurs étaient encore dans la game. Ouais. Donc, Couturier, la deuxième étoile. Et David Savard, la troisième étoile. Donc, David Savard qui est un très, très bon élément des Wildcats de Moncton. Écoute, on parlait des échanges que Moncton a été cherché. On peut parler aussi d'Alex Wall, l'excellent défenseur qui a été cherché. Oui, c'est vrai. On n'a pas pensé à nommer. On était aussi chercher Pierre-Luc Lessard, Pierre-Marc Lessard plutôt, où on l'a échangé plutôt, excusez-moi. On a échangé Pierre-Marc Lessard pour faire de la place un autre 20 ans. Donc, c'était pas mal ça au niveau des échanges. On avait dit Gabriel Bourque, on avait dit Nicolas Deschamps dans le fameux échange avec Mathieu Bissonnette. Donc, c'est ça. C'est les grosses acquisitions qui font que, tant qu'à moi, Moncton est favori pour gagner la Coupe du Président. Ouais. Si on regarde ça aussi, très, très bon duel de gardiens, encore une fois. Tantôt, on parlait de Kevin Poulin et Marco Cusino dans l'autre série, dans cette série-là. C'est encore une fois deux excellences, je dirais. Deux excellents gardiens de but qui vont probablement faire la Ligue nationale plus tard. Donc, Nicolas Riopelle et contre Jake Allen des Voltigeurs de Drummondville. Pour l'instant, Nicolas Riopelle, dans le premier match, a eu dessus, en passant, les Voltigeurs de Drummondville qui ont eu le dessus 37-28 dans les tirs. Donc, c'est vraiment Nicolas Riopelle qui a fait la différence dans le match. 34 arrêts pour Monsieur Nicolas Riopelle. Donc, c'était 1-0 dans la série pour les Wildcats de Moncton. Ça se transportait maintenant dimanche, toujours au Centre Marcel Dionne à Drummondville. Les Vulture de Drummondville qui prennent les devants 1-0 encore une fois. C'est Chris DiDomenico qui vient donner le premier but aux Vulture de Drummondville. Les Wildcats de Moncton, Casey Tessier, 1-1. Pour faire 1-1 pour les deux hein, c'est ça. Mais Voltigeurs de Drummondville, encore une fois, DiDomenico qui vient racheter un deuxième but, 2-1 les Voltigeurs de Drummondville après une période. Deuxième période, les Wildcats de Moncton qui sont en feu. Premièrement, un autre but de Casey Tessier assisté de Gabriel Bourque et Brendan Gormley. Donc, c'est 2-2. Et ensuite, McCoslin qui vient rajouter un troisième but, qui vient donner les devants, dans le fond, Wildcats de Moncton, 3-2, assisté de Alex Saunier et de Ted Stevens. Donc, après deux périodes, 3-2 Wildcats de Moncton. Et troisième période, ça va ressembler un peu à la dernière troisième période qu'on avait eue lors du match précédent. Mark Barberio et Scott Brannan viennent chacun rajouter un dernier but pour porter la marque à 5-2 pour les Wildcats de Moncton. Donc, 2-0 dans la série pour les Cats. Toute une machine de hockey, cette équipe-là, ça c'est certain. Donc, on sait pas qu'on a... Du côté des Cats, on n'a même pas Kirill Kabanov qui a été foutu dehors de l'équipe. Ouais, c'est vrai, ça aurait été... coup de pied au cul, carrément. Là, parce qu'on avait parlé au début de l'année à quel point Kabanov pourrait être bon. Une des pièces maîtresses du côté des Wildcats. C'était très dérangeant, par contre, dans le vestiaire. Ouais, puis qu'il avait pas l'air d'être là pour jouer puis essayer de gagner, mais il pensait peut-être plus au Ghost League. Il pensait à plus loin, lui, j'ai l'impression. Ouais, ça, c'est certain. Donc, Casey Tessier est la grande vedette du match. 2 buts, 1 passe dans la victoire. DiDomenico, 2 buts, la 2e étoile. Et Dumont, la 3e étoile, avec 1 passe. Donc, 2-0 dans la série Wildcats de Moncton. On se transporte toujours du côté de Moncton. C'est ce soir au Cousin Moncton que ça aura lieu pour le 3e match. Bon, personnellement, je crois que les Vultures de Drummondville, ça va être très, très, très difficile pour eux d'aller remporter cette série-là, puisque premièrement... On s'en va à l'étranger pour les 2 prochains matchs. Encore là, on va peut-être être capable d'en chercher 1, au gros maximum 2. Puis peut-être revenir à Drummondville pour un 5e match, mais encore là, si on regarde plus loin dans la série, est-ce que vraiment les Vultures vont être capables d'aller chercher 4 matchs dans les 5 prochains matchs? Ça serait un gros exploit, je pense, pour eux. Malgré qu'ils l'ont déjà montré là, l'an dernier, là, que les Vultures ne sont jamais morts. On l'a vu en finale contre les Cataractes de Shawinigan. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Nicolas? Je pense, est-ce que tu crois que les Vultures de Drummondville vont être capables de remonter cette série-là? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que le clou a été planté. Hein. Vraiment, ça a été fait. Je vois pas comment ils pourraient revenir. Autant qu'on a une bonne équipe du côté de Drummondville, autant que je suis pas satisfait des performances de Jake Allen. Tu regardes ses statistiques à Allen, c'est loin d'être très convaincant. C'est loin d'être le gardien qu'on s'attendait. On parle d'une moyenne d'efficacité de .891 en séries éliminatoires, puis contre, sûrement pas été testé contre le Weston. Non. On se comprend là-dessus. C'est pas fameux dans les derniers matchs de son côté. Hein. J'ai écouté la partie sur les ondes d'une radio locale là-bas à Drummondville. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que c'était pas exactement le type de gardien. Je sais pas s'il y a de la misère sous la pression à Lune. On se rappelle au championnat du monde contre les États-Unis cet hiver. C'est peut-être un hasard. C'est peut-être que oui, en effet, Moncton a une force de frappe en haut des possibilités de ce gardien-là. Mais pour l'instant... Riopelle et les Wildcats sont sur le highway, sont sur l'autoroute de la Coupe du Président, si vous voulez mon avis. Oui, ça c'est certain, mais encore là, Saint-Jean a un très très gros lot. On les oubliait souvent, Saint-Jean, en deuxième partie de saison, puisque, il était déjà assuré presque de finir au premier au classement général. Il y a eu une petite descente après les fêtes, mais les Sea Dogs ont quand même un très très bon club. Puis on le voit là, contre dans la série contre les Tigres de Victoriaville, que c'est pas une équipe piquée des verts non plus. Donc, si on a une finale entre les Sea Dogs et les Wildcats, ça devrait être excellent. Je pense qu'on devrait avoir droit à du très, très bon hockey. Exactement. Alors, on parle un petit peu aussi de Coupe Memorial, Nicolas. Dans le fond, c'est notre dernière émission cette année pour nous. Donc, on ne pourra pas faire nos prédictions pour la Coupe Memorial qui aura lieu en mai prochain à Brandon. le club des White Kings qui sera le... Wheat Kings, Wheat Kings, Kings, les rois du blé. Les rois du blé, parfait. Donc, qui seront les hôtes pour ce tournoi. Donc, on va regarder tout simplement, tout d'abord, du côté de l'Ontario, les équipes qui dominent en ce moment. Surprise, tout d'abord, Rangers de Kitchener qui mène 3-0 dans la série contre les grands champions, les champions de la Coupe Memorial 2009, les Spitfires de Windsor. Exactement. Donc, 3-0 dans la série pour Kitchener. On sait, là, Windsor, on est très, très gros joueurs comme Tyler Seguin, Tyler Hall. Taylor Hall, Tyler Ellis, Ryan Ellis. Non, Seguin joue avec les Plymouth, les Whalers de Plymouth. OK, désolé. Ils sont un contre l'autre. Ils s'affrontaient dans la dernière série. Ben, en tout cas, bref, Windsor a un très, très gros club. 3-0 pour les Rangers de Kitchener. Et c'est une surprise, vraiment. Les Rangers, Windsor qui ont terminé avec 106 points cette saison. Les Rangers qui ont terminé avec 91 points. Dans la saison régulière, donc c'est vraiment une grosse surprise là, que les Rangers de Kitchener mènent 3-0 dans surtout, la série. Surtout, ça a été difficile pour Kitchener se rendre là, affronter Lewiston, London, et ils l'ont emporté en 7 matchs. Donc, ça a été très difficile. Mais souvent que tu ressors gagnant d'une grosse série de 7 matchs comme ça. C'est souvent qu'est-ce qui arrive. Ça t'a pas vidé, ça dépend. Des fois, c'est la fatigue qui embarque, je dirais. Mais ensuite de ça, les Colts de Barrie qui mènent 3-1 dans la série face aux Saint-Michaels de Mississauga. Les Majors de Saint-Michaels. Okay, donc, je t'explique pourquoi ça s'appelle. Ouais, vas-y. Majors, c'est le nom de l'équipe. Saint-Michaels, c'est l'école. OK. OK. Comme collège français, ici, tu sais, un peu où. On dirait la flèche de Trois-Rivières. Bon, Mississauga, c'est la ville où ils jouent. Par contre, les Majors ont joué ailleurs avant. Dans le temps que c'était les Ice Dogs de Mississauga. Bon, ben, les Majors jouaient dans un aréna plus petit au centre-ville, je pense, de Toronto. Ils sont déménagés à Mississauga. Puis les Ice Dogs, eux autres, sont rendus à Niagara Falls. OK. Donc, c'est ça, les Colts de Barrie qui devraient normalement affronter les Rangers de Kitchener en finale. Du côté de l'Ontario, les Colts de Barrie qui sont beaucoup favoris là, du côté de l'Ontario. Les Spitfires de Windsor, on le sait, ont été probablement une des équipes favorites aussi avec Barrie, mais pour l'instant, les Spitfires sont en train de s'incliner. Donc, finale Kitchener, Barrie, ça devrait être excellent. On se transporte maintenant du côté de l'Ouest. Le club hôte de la Coupe Memorial, les Wheat Kings de Brandon, c'est 1-1 dans la série contre le Hitmen de Calgary. Donc, deux bonnes équipes. Deux très, très bonnes équipes. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est plate dans l'Ouest? C'est que la façon que c'est fait, les équipes de la même conférence s'affrontent en demi-finale. Donc, si on regarde, Brandon et Calgary ont chacun 104 points, 107 points. Dans l'autre conférence, ils ont terminé avec 97 points et 88. Donc, tu vois vraiment qu'il y a une disparité entre les deux conférences. Puis, je pense que la finale se joue vraiment entre Brandon et Calgary. Okay. Donc, ça devrait être une de ces équipes-là qui devrait représenter là, la Ligue de l'Ouest à la Coupe Memorial. Ben, attendez, les Wheat Kings vont représenter. Il reste à voir si les Hitmen l'emportent. Mmh. Est-ce qu'on va les revoir? Bon, est-ce qu'il pourrait y avoir une confrontation entre les deux? Mais par contre, si les Wheat Kings l'emportent, Calgary, qui ne fera pas partie de la Coupe Memorial, probablement, qui est en ce moment la meilleure équipe de l'Ouest, tandis que ça va être une des équipes de Tri-City et de Vancouver là, qui vont être comme la ville représentatrice pour l'Ouest si jamais les Wheat Kings l'emportent. Donc, on va voir, c'est 1-1 dans la série entre les Americans de Tri-City et les Giants de Vancouver. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça pour ça toi. Ça résume pas mal l'actualité de la Coupe Memorial de la Ligue canadienne de hockey. Et de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Alors ce soir, Victoriaville affronte Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, c'est à 19h. Et Moncton affronte Drummondville, c'est à 19h30. Et ça, c'est à Moncton. Victoriaville, bon, c'est à quoi? 50-60 minutes d'ici, là, maximum. Donc les gens qui veulent se déplacer, s'il reste de la place au côté des jardins, bien c'est sûr. Ça, parce que c'est pas facile d'aller se placer là. Ben, c'est bon, ça. Donc, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. Ça fait plaisir. Au retour de la pause, on va parler... Bon, ben, on va parler... On va rester dans le junior majeur, un petit peu dans les âges juniors. On va parler des performances d'équipe des moins de 18 ans du Canada qui, ma foi... Dirigée par Guy Carbonneau. Dirigée par Guy Carbonneau qui, ma foi, a été tout simplement atroce. Donc, on parle de ça, on va parler de plein de nouvelles. Coach JP se joint à nous. Ça va être excellent, comme d'habitude. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Vous êtes à C'est fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes à C'est fou. Enlève tes pattes sales, lave ta bouche, j'approche la trentaine. Je négocie mon autonomie pendant que tu t'entraînes. Je me rappelle de 10 ans quand on disait qu'on s'en venait. Les gars du hood ont prédit notre succès, disaient que ça se sentait. Les 40 dans les parcs, les chicks pis la dope. Quand on dit qu'on est parti de loin, c'est pas des jokes. 10 ans plus tard, on boit nos bouteilles dans des backstage avec les mêmes boys qui étaient là quand la police débarquait. Dans le temps, c'était facile, on tripait d'avoir nos photos sur des flyers qu'on empilait juste avant de les mettre ses poteaux. C'est faux, fallait faire ses preuves, chanter dans le quartier. T'avais pas le choix si tu voulais devenir un jour un artiste. La vie de la rue, t'es jeune, tu penses que la domaine. J'ai vu des couteaux aiguisés pour mon abdomen. C'est juste un statement, on fait de la bise dans le cours d'écran. Même si je me souviens qu'au début, on avait même pas d'écran. Yeah, ça fait longtemps qu'on rap, depuis le temps des Joe Tang. Même dans ce temps-là, je savais que mes futurs fans seraient toujours fans. Plus le temps avançait, plus mon nom était ses posters. Tant que j'étais broke, j'allumais mes clopes au toaster. Yo, on s'en rappelle des bandes d'école, des freestyles du break. Pour nous, c'était les années folles. C'était les drogues, c'était les fans, pis c'est gens qui s'en fait. C'était les gens qui parlaient contre le rap en français. Mais j'oublierai pas les fois où on a brûlé stage. Nos premiers groupies love, c'était underage. Y'a dans le temps que c'était dur de nous dire à face votre faire net. Simplement parce qu'il y avait pas de forum sur internet. Je me souviens quand à l'école je faisais des rhymes, que je noircissais l'agenda avec des idées pis des lines. C'était qui ça, le petit gars qui portait du fila? C'était moi ça, non tant je faisais pas de break dans c'est le lit. Je te jure sur ma tête, si tu regardes dans mes yeux, je vends du rap, pas du crack ou de la poudre blanche comme de la neige. À 13 ans, je suis stressant, jamais tranquille sur ma chaise. Bull Max, un petit baisse, je freine dans la rue jusqu'à 16. Je découvre le rap, yeah. J'ai l'envie de speed au mic. Je dépense mon cash dans de la merde ou dans le dent dans nos vibes. Je fous le bordel dans ma vie, tellement que je veux frapper le bon père. Comment éviter la guerre si aucun nous coopère? Je me sens seul, c'est que j'en veux au monde pour qui l'amour c'est pas essentiel. J'ai pas grandi dans un hood où les gens s'aiment, mais où on s'engueule. C'est pour ça que les jaloux, moi je les emmerde. Plus t'as du succès, plus ils t'en veulent. J'ai connu la misère, une couple d'échecs dans ma vie. Comme à l'école, dans une coupe de matière. J'suis toujours le même, tu le sais, pis ça date pas d'hier. Un gars ordinaire, qui mène une vie extraordinaire. Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. Et c'était Crooks avec l'Assemblée pour la chanson Ça fait longtemps. On se joint à nous présentement pour la dernière fois cette année, malheureusement, Coach JP. Salut les gars. Ça va Salut. Bien? Oui, vous autres? Ouais, oui, hey, je pensais à ça, je dis la dernière fois cette année, mais toi, tu vas-tu pouvoir faire de la radio l'an prochain? Ben oui. Ok, je veux, oui. Je veux juste être sûr. Là. On fait à l'université, on a trois cours, là, trois, quatre cours, c'est tout. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ça dépend si t'es, t'es libre en même temps que nous autres, par contre. Non, ça c'est vrai. Ah, tu sais, les difficultés, hein? Mais non, c'est parce que je me disais, si c'est ta dernière fois, on va mettre la chanson « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir ». Non, je vais être là. Ah, ben j'en prends une note. Donc, on y va. Écoute, on va aller avec quelques petites nouvelles qui ont parcouru le monde du sport dernièrement. Allons-y avec l'actualité sportive. Salut! On y va tout de suite. Écoute, de quoi qui m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé un peu triste en même temps. Guy Carbonneau dirigeait l'équipe des moins de 18 ans junior majeur, ben junior dans junior. Dans le fond, des moins de 18 ans au championnat mondial qui se tenait en Biélorussie. Ouais. Bon, tu te dis, Pat Quinn a déjà dirigé cette équipe-là. Ça avait été un succès, il avait remporté. Carbonneau, non, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Je peux pas te dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé. J'étais pas là, mais selon lui, les joueurs n'ont pas donné leur 100%. Parce que là, on en parle. Là, on parle du pire résultat à vie de l'équipe des moins de 18 ans. Là. Écoute, premier match, défaite contre la Suisse 3-1. Ça part mal. Ça part mal. La Suisse qui est normalement pas dans les moins de 18 ans, qui est pas normalement un club à battre. Malgré qu'on a regardé au championnat mondial junior cette année, la Suisse qui a été très, très surprenant. Lentement, mais sûrement, c'est ça. C'est ça, ça s'en vient. Deuxième match, on perd contre les États-Unis 5-0. Blanchissage contre nos grands rivaux, les États-Unis. Donc, ça va pas bien de ce côté-là. Troisième match, défaite contre la Suède 5-4. C'est pas non plus. La Suède, c'est quand même pas n'importe quelle équipe non plus, mais c'est quand même une troisième défaite en trois matchs. Finalement, vont l'emporter contre le Belarus par la marque de 11-3. Je pense qu'on s'est réveillé au quatrième match, mais il était trop tard, puisqu'avec la victoire de la Suisse qui a battu le Belarus 3-2, le Canada ne pourra terminer meilleur que le quatrième rang. Donc, ne pourra même pas accéder à la ronde des médailles cette année. Non, c'est pire que ça, là. C'est pire que ça, si je me trompe pas, là, on s'en va en relégation, là. Ouais. Il pourrait se classer 9e ou 10e. Ouais, sauf qu'au meilleur, il pourrait se classer 4e. L'équipe a terminé. OK. T'es-tu sûr, toi? Ouais, je suis certain de me. OK, je pensais. Moi, j'avais entendu que c'était pas mal pire que ça. Parce qu'on s'en va en ronde de relégation. Ouais. Ils peuvent pas terminer 4e parce que les demi-finales, je veux pas te contredire, mais les demi-finales, l'équipe qui perd, les deux équipes qui perdent en demi-finale, il y a une équipe qui est 4e. Je pense qu'au mieux, on peut finir comme 7e. Ben, je sais pas comment le tournoi est fait différemment un peu qu'au championnat mondial. C'est parce que. En tant que tel, le Canada se retrouve dans quelque chose qui ne s'y retrouve jamais, c'est-à-dire la ronde de relégation. C'est-à-dire que si tu finis, au mieux, mettons, il y a 5 équipes, au mieux, tu vas finir 7e, au pire, tu finis 9 ou 10e. Ouais. Ce qui fait que l'an prochain, tu te retrouves dans. Dans le pool B. Ben, pas juste dans la division 2 du moins 18 ans, ce qui serait totalement abominable. Là. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi, JP, de la performance comme coach de Guy Carbonneau? Ben là, c'est sûr que. Je sens dire que ça fait dur un peu. À sa défense, je dirais que l'équipe, il paraît que c'était pas débile cette année. Là. Ben, pas débile, ça reste quand même. Là. Si t'es pas capable de motiver ton équipe quand t'es un coach de la Ligue nationale, c'est quoi, là? Ben, en plus, c'est contre la Suisse, qui est pas une puissance. Je sais pas s'il avait perdu contre la Suède et d'autres clubs, là, mais là, comme la Suisse. 18, là, ça, c'est le club qu'on va voir dans deux années au U20, là. Oui et non, là, c'est difficile à dire, ça se ressemble jamais tout à fait. C'est parce que la différence, c'est que les gars qui sont encore en série dans les ligues pro, ben dans les ligues pro, dans les ligues juniors majeures, peuvent pas y accéder. Donc, c'est ça qui est le problème. Bon, mais c'est sûr que c'est un coup dur pour lui à son accession, à son retour dans la Ligue nationale. Mais penses-tu que Carbonneau est confiné à faire du Québec-Montréal tout le temps? Ben, il pourrait peut-être faire des clauses dans la Ligue américaine, peut-être faire comme Alain Vigneault puis retourner dans le junior. Moi, je pense que Carbonneau a peut-être besoin de retourner un peu aux sources. Puis, en tout cas, parce que c'est pas fameux. Moi, je pense que de toute façon, Carbonneau n'a pas l'étoffe d'un coach, d'un entraîneur-chef. Ben, moi, personnellement, je pense pas que Guy Carbonneau va être capable de surmonter cela et se trouver un boulot dans la Ligue nationale. C'est un affront, ça, là. Ouais, vraiment. C'est un échec. Qui aille coacher les Saguenayens, puis on verra dans une couple d'années. Mais non, je pense que ça regarde bien mal pour lui, là. C'est pas le genre de performance qui va lui permettre de revenir dans les ligues plus hautes. Donc, on continue. Écoute, autre petite nouvelle. JP, tu vas pouvoir nous en parler. Steve Green, le lanceur, oui. A signé avec les Capitales de Québec. Bonne nouvelle pour les Capitales. On sait que bon, pour les Capitales, à chaque année, on essaie d'aller chercher quand même quelqu'un bon, qui a une certaine expérience, qui a un certain talent. L'an passé, bon, Éric Gagné, on avait aussi Pierre-Luc Laforêt qui ont joué pro. Steve Green, lui, de son côté, a jamais eu une grosse carrière dans les majeurs, mais c'est une bonne acquisition. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un lanceur solide. Il a lancé majeur, quoi, un ou deux départs, je pense, en 2002 ou 2001, avec les Angels d'Anaheim. OK. Non, écoute, c'est un gars de la place, c'est le fun, ça fait de la publicité, c'est un gros nom. Est-ce que Carl Gélina revient cette année? Je sais pas, il y a peut-être un contrat de hockey avec les Québec-Montréal. Là, je... Ah, OK, c'est ça. Ils vont aller être occupés. Non, vite de même, je vois pas pourquoi Carl Gélina reviendrait pas. Je sais que Pierre-Luc Laforêt, lui, revient pas. Non, lui, je pense qu'il est allé du côté du Japon. Même. Ben, à vrai dire, il a commencé dans une... Il a été échangé dans la Ligue de l'Atlantique, donc une autre ligue. Qui, elle, débute sa saison plus rapidement pour se mettre en forme pour espérer atteindre le Japon. OK. Donc, je suis bien content pour Steve Green. Ça prend des gars d'ici, puis tant qu'à lancer dans le 2A ou dans le A, regarde, je vais amener ici, t'as avoir du fun comme Eric Gagné l'an passé. Ouais. Mmh. Un moment donné, c'est parce que... Peut-être ramener un autre championnat à Québec cette année? Oui, ça pourrait être bien. Ouais. Ça pourrait être bien. Allez, autre nouvelle, on se rappelle aux Olympiques, le lugeur Nomar Kumari Tashvili, désolé de la prononciation, bon, qui est... Si moi j'ai de la misère avec mon anglais, t'as de la misère avec mon géorgien, ouais, tu sais, laisse-moi une chance, comment? Mais Kaisak, je suis capable de le dire, moi. Donc, Nodar Kumari Tashvili, en tout cas... On sait qu'il était malheureusement décédé lors de l'épreuve de luge, les images qui ont fait le tour de la planète. La Fédération internationale de luge a révélé lundi, après étude, tout ça, que l'accident était quelque chose de totalement imprévisible et dû à une erreur de pilotage. Malheureusement, écoute, à 145 km/h, on le voit aussi Nomar l'a échappé. On le voit sur les images, l'a échappé dans la courbe. Puis t'es pas supposé de sortir. Si t'as à sortir de piste, qui est pas supposé, t'es pas supposé de sortir à cet endroit-là où est-ce qu'il y avait les fameux H-beam de métal qu'on appelle, ouais, qui ont causé sa mort. Donc c'est malheureux pour lui, mais justement c'est un peu ce que je disais. Ceux qui voulaient tenir les responsables de la piste, plutôt la piste responsable et tout ce qui est les installations, ouais, tout ça. Non, faudrait pas parce que c'est pas tout à fait. C'était vraiment une erreur de pilotage. Une erreur de pilotage. Donc, Pierre-Luc, les Alouettes de Montréal, bon, ça se parlait un petit peu, qui étaient supposés venir s'entraîner ici au Centre Alphonse Desjardins. Ça s'était parlé, le camp d'entraînement, oui, tout. Finalement, ouais, ne viendront pas à Trois-Rivières. Non. C'est malheureux, mais non. Écoute, du côté des Alouettes, ce qu'on dit, et pourquoi ça marche pas, c'est que l'hébergement, OK, à Trois-Rivières, se situe trop loin du centre d'entraînement. Tout JP, tu sais un peu plus c'est quoi au niveau des camps d'entraînement. Souvent, on essaie comme... Les Alouettes s'entraînaient souvent comment on appelle ça? Le séminaire, c'est ça? Ils appellent ça le collège militaire, c'était ça? Ouais, le nom? College. OK, bon, on s'entraînait au collège militaire et malheureusement, c'est pas malheureusement, mais probablement que là-bas, ils peuvent permettre aux joueurs, ils installent les lits, les joueurs d'hommes, tout là, le matin à 6h, t'es debout, tu vas faire du vidéo, puis à 8h, t'embarques sur le terrain. Tandis que là, à Trois-Rivières, c'est malheureusement pas le cas. Les hôtels sont plus loin. Par contre, c'est dans le centre sportif à Alphonse Desjardins. Ça se fait par étapes, ça. Là, ils sont rendus... Bon, on a un terrain de soccer synthétique de calibre. Ouais. On a une aréna. On a un terrain extérieur. L'étape 5, c'est la fameuse patinoire de 5000 places qu'on a annoncée, qui devrait se faire normalement. L'étape 6, c'est on voudrait construire un complexe hôtelier à côté de cela. Je sais pas si on a l'intention de construire une sortie d'autoroute pour que ça donne directement là parce que j'ai été l'autre fois, puis oui, tu sors d'autoroute, mais t'as une petite affaire à faire au Cap de Madeleine que j'imagine s'il y a 5000 personnes qui veulent se pointer à l'aréna, ça va être plutôt compliqué. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui risque d'arriver. Donc, on va avoir des embouteillages d'au moins 4-5 minutes. Là. Mm. Donc c'est ça. Malgré que ça ne bat pas les embouteillages à Montréal et Québec. C'est pour ça que je dis ça. Mais eux, ils n'avaient pas signé un contrat avec le centre complexe sportif Bell à Brossard. Parce que les terrains de soccer intérieur, ça fait une bonne job pour commencer. Ouais, mais peut-être pas pour le camp d'entraînement. Tu comprends? Okay. Parce que c'est ça ici, c'est la même chose ici à Trois-Rivières. C'est de la turf intérieure, mais... c'est pas c'était pas assez selon les dires un peu des Alouettes. Donc c'est pas mal ce qui conclut nos petites nouvelles. Dernière petite nouvelle, je vous en parle. Les Patriotes, c'est une nouvelle qui vient de Jonathan Roberge du de l'Hebdo du Saint-Maurice, ici à Shawinigan. Patriotes de QTR ont signé pour l'an prochain Adam Leblanc-Bourque, ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan, qui a fini sa saison à Québec. C'est sûr, Québec? Non, Adam Leblanc-Bourque? Sûr? Oui, il a fini sa saison. Sûr? Ouais, parce que oui, moi. C'est pas du sport de Québec. Sûr? Trouve-moi ça. Tu m'aurais dit une autre équipe, j'aurais dit trouve-moi ça. Trouve-moi-le. Ouais, je te trouve ça à l'instant, moi. C'est ça, il a terminé ça. Il va venir. Ah, il a fini à Chicoutimi. À Chicoutimi, désolé. Parce que Québec-Chicoutimi, là, faut pas que tu mélanges les cartes. C'est collé. C'est deux équipes qui s'apprécient beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Donc, il va revêtir l'uniforme bon, des Patriotes l'an prochain. C'est une bonne acquisition parce qu'on a souvent dit cette année que les Patriotes étaient une équipe petite. Manquait de taille à la défense. On sait aussi avec les départs d'André Joannis, tout ça, c'est un gros morceau qui partait. Le Blabour, 6 pieds 3, 210 livres, ça devrait faire la job. Ouais, un excellent défenseur. Ça devrait pas mal faire la job, oui. Vraiment. Donc. Alors, on s'en va en musique. On s'en va écouter du Major League avec une chanson que je dédie à plusieurs de mes amis, vraiment tous mes amis. Ça s'appelle La pilule du lendemain. Donc, c'est bon. Vous écoutez la conduite de partie sur C'est fou. De partir. Alors, c'était Major League, la chanson Miss Québec, et non pas La pilule du lendemain, parce que quand tu places mal ta toune, c'est pas la bonne qui part. C'est pas grave, bonne taille. Donc, on y va. G2DP, coach? Yep. On va parler boxe? Oui. Gros combat. On a parlé peut-être de baseball, mais on a pas le temps à matin, donc... Ouais, ben, au pire, tu glisseras un petit mot rapidement, mais... Okay. Rapidement, parce qu'on sait que pour la dernière partie de l'émission, on a... quelque chose de chargé. On va avoir Philippe Wallace-Doucet et Paul-Emmanuel Quéré qui vont venir nous parler de la Coupe du Monde qui va se dérouler de foot. Ils vont nous parler de foot. Deux étudiants de communication sociale. Oui, deux gars de Québec à Trois-Rivières. Deux maniaques de soccer qui vont venir nous parler de la Coupe du Monde qui va se dérouler. C'est en juin. Donc, dans pas très long, en Afrique du Sud. Donc, allons-y, boxe. Bouté Miranda, ça s'est fait en fin de semaine. Certains s'attendaient à un combat serré. Bon, Edison Maganda, qui est quand même un gros nom, qui a perdu seulement des gros combats contre André Ward, si je ne me trompe pas, entre autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat-là, JP? Ben là, premièrement, je suis content de ne pas l'avoir commandé ou bien d'être allé à la carte pour un combat qui a duré 3 rounds. C'est tout le temps le risque à la boxe. Ben, c'est ça, puis UFC aussi, c'est assez fort aussi, exact, les dangers. Exact. Donc, Bouté l'a carrément dominé. Là. En plus, pour ceux qui ont vu le combat ou qui n'auraient pas vu, dans le fond, Miranda a vraiment été arrogant, là. Ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, Bouté faisait son petit chemin, puis dans le fond, il y avait ses combinaisons de jab puis de crochet, ça allait bien. Puis dans le fond, Miranda a comme fait un mouvement, comme dire, ah, frappe-moi plus fort, ça fait pas mal. Ouais. Mais 30 secondes plus tard, il est au tapis, puis il a perdu KO. J'ai gardé le combat sur sur YouTube. Bon, on peut voir le combat au complet sur YouTube, parce qu'il dure 10 minutes, le combat, fait que ça revient cher de la minute quand on y pense, là. Mais, puis tu vois vraiment, là, Miranda qui fait comme, ah ouais, tu sais, il pose vraiment, il se met les mains sur la taille, vient-t'en, puis c'est comme, c'est 5 secondes plus tard, là, que ben, tu vois Bouté rire, puis pouf, il te le gèle comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, et vraiment, Bouté, écoute, si je regarde les classements, tu connais un peu BoxRec, le site? Oui. BoxRec, qui est pas mal une des bibles au niveau de la boxe mondiale. Le boxeur, ce qu'il appelle Featured Fighter, celui qu'on montre cette semaine, qui est le je sais pas comment dire, le headliner, comme la nouvelle principale. Là, donc le boxeur principal, Lucien Bouté en premier. Et au niveau de leur classement, BoxRec, Bouté est rendu 4e derrière. Écoute, je te dis les noms. Vladimir Klitschko. Je sais pas si ça dit de quoi. Ouais. Il est pas mauvais. Marco Hawk, qui lui est un Allemand. Bernard Hopkins, qui est 3e. B-Hop. Et Lucien Bouté, 4e. Parmi les grands. Ouais. Et 5e, c'est Sergio Gabriel Martinez, qui lui a défait Kelly Pavlik. C'est pour les gens qui commandaient le combat à Bouté, il y avait tout de suite après le combat Pavlik-Martinez. Toute une volée que Pavlik s'est fait à manger, là. Ça a pas été facile pour lui. Mais je regarde le classement, ça me surprend de voir Pacquiao si bas que ça. À comparer à un gars comme Paul Williams qui j'avais bien aimé. Ouais, mais ça, c'est selon le moment. C'est les classements selon le moment, c'est pas le livre pour livre. Okay. Livre pour livre, vois-tu, Pacquiao est premier, Mayweather deuxième, c'est Klitschko Hopkins, Vitaly Klitschko en 5, bon après ça t'as Dawson, Bouté est 9e, ce qui est probablement le plus grand, le plus haut rang atteint par peu importe boxeur de la région. Bon, on sait, Bouté est roumain, on l'annonce de Montréal, tu sais, c'est parce qu'il a appris, bon, c'est ça qui arrive souvent à Montréal, hein, tu sais, c'est si t'es, si t'as du succès, bon ben on dit que t'es de Montréal, puis si t'es d'ailleurs, tu t'en vas ailleurs, on dit que t'es quand même Montréalais. Tu sais, comme on disait qu'Arturo Gatti était Montréalais, là. C'est un Québécois, mais Arturo Gatti, oui, mais tu sais, on dira pas d'abord que Bouté est un Québécois, on se comprend là-dessus. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça, on parle, bon, d'un possible combat. Là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'adversaire potable pour Bouté. La raison, c'est l'événement, le Super Six, qui rejoint André Dawson. André Dawson, c'est d'autres choses, ça, c'est au baseball, c'est ton autre spécialité, ça. C'est ça. Donc, André Ward, Arthur Abraham, aide-moi donc là-dessus, il y avait Jermaine Taylor, mais... Arthur Abraham, Jermaine, il a quitté, ouais, André c'est ça. Ward, attends, j'ai un blanc. Ouais, moi tout, j'ai un blanc, là. Mais je te sors ça. Il y en a juste 6, là. Je te sors ça. Carl Froch, Michael Kessler, bon, livre-là, là. Donc, on en a 4. Alan Green, qui, lui, est venu remplacer Jermaine Taylor. Et André Derrol, c'est le dernier que je cherchais. Donc, ils s'affrontent. C'est probablement 6 boxeurs qui pourraient affronter Bouté. Mais là, en étant dans leur classique, où est-ce que c'est extrêmement payant et tout ça, on peut pas s'affronter. On parlerait d'une possibilité, et lui-même en a parlé, d'un combat Bernard Hopkins qui viendrait se pointer à Montréal pour affronter Lucien Bouté. Ça serait tout un événement, ça. Ça serait gros, là. Ça serait gros. Penses-tu que, je sais pas, toi, puis à Luc, tu connais-tu un peu Bernard Hopkins? Ou... Ouais, ben, j'ai entendu parler. Ça rentre-tu dans le Centre Bell, ce combat-là? Probablement. Connaissant. Moi, je te dirais que ça va être un excellent combat. Parce qu'on parle... On va fouler la place pour ce match-là, ça, c'est certain. Parce que... On parle d'un plus gros combat, probablement le plus gros nom de boxe qu'il y a à Montréal depuis le combat Sugar Ray Leonard au Stade Olympique. C'était qui? Ouais. Sugar Ray contre qui? Un blanc, tu sais-tu, JP? Non, okay. je sais que ça a lieu. Voilà, attends une minute, m'a trouvé ça. Là. Moi, je m'ennuie du temps qu'on avait une recherchiste dans le studio, ouais. ça allait bien. Colette était bonne. Hey, on va parler de Colette. Sébastien Proulx de son vrai nom, Colette, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, Sébastien qui fête ses... ça, il y a 24, quoi? 23, 24, 25. On le remercie beaucoup qu'il a été là, bon, toute la première session jusqu'à Noël, qui est présentement, bon... Il fait quoi, son stage, Alphonse Desjardins. Il fait pas grand-chose, c'est ça que je veux dire, là. C'est ça que je veux dire. Il fait pas grand-chose. Hey, j'essaie de trouver The Brawl in Montreal. Je l'ai. Roberto Duran. Je l'ai. Fait que c'était probablement un des plus gros événements de tous les temps. Au Stade Olympique. Je serais curieux de voir ce que ça va donner. C'est pas mal tout ce qui reste à Lucian Bouté avant de pogner, d'affronter ces gars-là. Parce que sinon, dans les super... c'est quoi? Super middleweight? Ouais, en français, ça se trouve à être... Les super moyens. OK. Moi, je suis pas familier justement avec ces noms-là. En français, c'est un petit peu plus compliqué. Avec ça, et on parle de, bon, dans un an et demi, un super combat. Où est-ce que si Bouté est encore champion de l'IBF, affronterait le gagnant du Super Six? Qui est rendu à la deuxième ronde de Super Six. Donc, je sais pas toi, là, mais je pense que ça aurait pas mal d'allure. Donc, c'est pas mal ça pour la boxe. T'avais-tu d'autres choses à dire, toi, là-dessus? Non, pas grand-chose. On a fait le tour pas mal d'après moi. Ça a été vrai. Ben d'abord, écoute, je te parle rapidement de combat ultime. On va aller avec Strike Force. Bon, tout le monde connaît UFC. Strike Force, qui était un autre combat, une autre ligue. Dan Anderson, qui était celui qui s'est fait geler par Michael Bisping à UFC 100, qui est rendu dans cette fédération-là parce qu'il est tombé dans les mauvaises grâces de Dana White. Il affrontait Jake Shields, qui est le champion des poids moyens. Donc, lors de son premier combat, avait une chance au championnat et malheureusement pour lui, ça n'a pas été facile. Shields qui l'a dominé. Anderson a pas mal paru, mais ça n'a pas été fameux non plus. Les juges ont remis des cartes de 49-46, 49-45 et 48-45 en faveur de Shields. Shields qui est très impressionnant, vraiment. Donc, félicitations à lui. Aussi, gala de lutte pour les grands amateurs de lutte cette fin de semaine à Trois-Rivières. Donc, ça va avoir lieu au Centre Landry sur la rue Saint-François d'Assise. Ça va être des excellents matchs de lutte. C'est la North Pro Show Wrestling, de la lutte qui se passe à Pont-Rouge, qui va être à Trois-Rivières cette fin de semaine. Donc, ça va être excellent, de la bonne lutte. Sonny Warcloud, qui est un lutteur que je connais depuis un bon petit bout, un lutteur de Québec, qui sera présent, qui va affronter Darko en pleine finale. Et il va avoir un championnat par équipe aussi, là, avec les Pure Talent et les Spoilers. Donc, ça devrait être excellent. Donc, rendez-vous au Centre Landry, samedi le 24 avril à 20h. Ça va être bon. Mais comment t'appelles ça, la ligue? La North Pro Show Wrestling. C'est-tu moi ça n'a pas de sens comme nom? Non, ça se peut pas. Non, mais je dis... North Shore Pro Wrestling. North Shore Pro Wrestling. Ça a plus de sens. Donc, la NSPW. C'est bien ça. Moi, je connais un de mes chums qui est bien souverainiste pis tout, là, qui devrait vraiment comme ça... Il serait frustré d'entendre un nom comme ça parce que c'est en anglais pis on est au Québec. Mais bon, c'est un petit bougon. C'est de la lutte aussi. C'est là, de la lutte, hein. Faut pas capoter. Hey, après la pause, on va avoir une petite pause musicale, là, premièrement. Là, on va aller écouter un peu de musique. Mais au retour, pourquoi ne pas parler de Coupe du Monde de soccer? Les gars vont être là. Il va avoir Paul-Emmanuel Kéré. Restez pas surpris, comme j'ai dit tantôt, c'est un Français. Ça me sonne bizarre, mais il sent pas tant que ça. Donc, il est déjà en studio, il me chie. Donc, on va avoir lui, on va avoir Philippe Doucet, on va avoir. Bon, ben, Pierre-Luc, tu vas être encore là. Bien sûr. JP, tu vas être au téléphone. Oui. Ouais, et il va avoir moi. Donc, on va être plusieurs quand on y pense, hein. Ça va être bizarre. Donc, pourquoi ne pas aller écouter, avant de partir à la pause, une chanson qui a rapport avec plusieurs hommes dans le même endroit? On va aller écouter le groupe Flight of the Conchords avec la chanson Too Many Dicks on the Dance Floor. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Going to the party, sipping on Bacardi. Wanna meet a hottie, but there's Adam, Steve, and Marty. There's Billy, Todd, and Tommy, they're on the front of the army. The only boobs I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go the dance floor boho ratio. 5-1 is a rodeo. Tell Steve and Mike it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better arms, more broads, less rods. I can't do battles. Skedaddle with the count rods. Too many men, too many boys, too many misters. Not enough sisters. Too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. Comme arroser son asphalte. Dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie, la dernière de l'année. On est présentement en studio avec deux jolis jeunes hommes. Parlons-en, parlons-en. Un est plus beau que l'autre, ça c'est plutôt clair, mais l'autre a une belle personnalité et est très ponctuel. Donc, Philippe Doucet, comment ça va? Ça va très bien, hey, toi? Je vous dis pas lequel est lequel. Non, ben de toute façon, juste avec le préambule, ouais. On pourrait même pas se reconnaître. Philippe Doucet, qui pour ceux qui bon, qui sont les experts de C'est fou, a animé pendant combien de temps, c'est pas encore? Je l'ai animé pendant un an, okay. Puis je l'ai co-animé avec Tommy Auger, Renaud Barrière et Alexandre Lavoie pendant une session. Une session, donc ouais, c'est ouais, ouais. Dire, un an et demi ça a duré? Oui, un an et demi ça a duré, puis l'animation pendant un an avec Renaud. OK. La dernière année. Donc, en tant que tel, notre émission a duré plus longtemps que la vôtre? C'est à peu près ça. Ben, yes! Dis-moi, comment? Votre émission a duré plus longtemps que ma participation à Sport Encore, parce que Sport Encore a quand même fait un an avant que j'arrive. Donc, OK, on n'a pas fini. Donc, mais nous, on va peut-être se faire reprendre l'année votre prochaine. Votre high-five ne valait rien. Et à sa gauche, dans le coin bleu, Paul-Emmanuel Quéré, comment est-ce qu'il va? Ça va super bien. Ça va super. Comment est-ce qu'il va, mon pote? Bien, bien, bien. Il va bien, il va bien. Mon pote français. Mon pote français. alors, les gars, ça s'en vient, ça commence quand, cette Coupe du Monde-là, de soccer? Préférez-vous que je dise foot? Je veux pas. Tu peux dire foot, tu peux dire soccer, au point où j'en suis. Je fais plus attention à ça. Toi, tu t'es habitué. Hey, question rapide, c'est quoi la différence entre le jeu européen et le jeu nord-américain quand tu. Au niveau du soccer? Ouais. Le foot, c'est la même chose. La technique, principalement la technique. Je te dirais, en Amérique du Nord, ils vont beaucoup plus mettre l'accent sur le physique, sur la performance athlétique des joueurs, sur le fait qu'ils aient un bon cardio et qu'ils soient capables de courir beaucoup. Alors qu'en Europe, on va préférer justement les faire jouer de manière beaucoup plus technique, quitte à laisser de côté le physique. Ils vont peut-être se blesser plus rapidement, mais ils vont faire rêver sur le terrain. En fait, en Amérique du Nord, on joue au soccer comme on joue au hockey. OK. Hein, j'aime ça, la comparaison. C'est ça. On est un petit peu plus guerriers, dans le fond. Là. C'est ça. Puis même, les règles ne sont pas pareilles. Par exemple, si tu prends les Patriotes de l'université, okay. Ils ont le droit de faire 5 changements pendant la game, puis ils ont le droit à des changements illimités à la mi-temps. Donc, ça fait tourner toute l'équipe. Donc, tout le monde va jouer à fond pendant le temps où ils jouent. Alors qu'en Europe, il reste à 3 changements sur l'intégralité du match, même les blessés. Est-ce que c'est pareil chez l'Impact, par exemple, ou dans la MLS? Non. Non, l'Impact, okay. L'Impact joue avec, avec trois remplaçants, par exemple. OK. Est-ce que, par contre, on parlait du jeu physique, qui est quand même plus physique. C'est la même chose au niveau des comparaisons par rapport à l'Impact, la MLS et l'Europe? À peu près, à peu de choses près, ça se tient. On est plus grinder ici, c'est ouais, le bon mot. C'est ça. Ben écoutez les gars, je vous laisse y aller. Introduisez-nous à comment ça va se dérouler. Ça se déroule à quel endroit et qui va participer? Sauf le Canada, bien sûr. Le Canada qui a quand même fait une présence en Coupe du Monde. Au Mexique, en 86. Ouais. Tu pensais-tu m'avoir ça? Non, pas du tout. Je savais que je t'enlignais. Je t'introduisais pour que tu puisses faire... nous faire montrer ton savoir. tu me showcase. Ouais, c'est ça. La participation historique du Canada. Ouais. Ce sera en juin. Donc, okay. Juin 2010, ça va durer un mois. Du 11 juin au 11 juillet, ça tient exactement en un mois. Premier match le 11, la finale sera le 11. C'est en Afrique du Sud. C'est super important parce que c'est la première Coupe du Monde qui est organisée sur le continent africain. Donc, c'est un événement qu'on attend beaucoup, sur lequel il y a énormément d'attentes. Ils ont pris le pays le plus blanc pour faire ça. Ouais, c'est ça. Ils ont essayé de mixer un peu pour commencer. Là, on va pas y aller trop fort. non, c'est ça. Puis l'Afrique du Sud a beaucoup de travail à faire au niveau des infrastructures parce qu'ils ont pas beaucoup de trains, pas beaucoup de ils ont beaucoup de routes, mais ils ont très peu de trains. Et comme leur pays est immense, pour relier les différents stades, ils ont fait un investissement énorme de plus de 800 millions juste pour rénover les trains. Ils vont rénover les stades, ils en ont construit d'autres aussi. Donc ils ont aussi fait un énorme effort sur la sécurité pour être en mesure d'accueillir des touristes blancs, justement. Ok. Donc, c'est chien, ils disent ça de même. Hein, bah, c'est... Oui, ouais, c'est chien, mais en même temps, je veux dire, c'est une réalité. Là, ouais. le taux de criminalité en Afrique du Sud est quand même assez élevé, donc il ne faut pas que ce soit rédhibitoire pour les touristes. Ça peut être un peu comme les Olympiques de Beijing, Pékin, en tout cas, appelez-la comme vous voulez, cette ville-là. Où est-ce qu'à Pékin, bon, on parlait beaucoup que le fait que la Chine allait recevoir... aller recevoir cet événement-là, ça allait ouvrir un peu le pays et la ville au monde et veut pas faire entrer une culture différente qui est peut-être plus pacifique, plus droit de l'homme un petit peu. Mais il y a assurément, c'est sûr que l'Afrique du Sud a tout approuvé en même temps. Le continent africain a tout approuvé avec cette Coupe du Monde-là. Je pense que c'est une belle occasion justement. De leur permettre ça. Parce qu'il y a déjà eu quelques gros événements en Afrique du Sud. On peut penser au soccer, mais au rugby. Ouais. Non, moi, je pensais à la Formule 1, qui a déjà eu une course en Afrique du Sud. Mais ça reste précaire un peu comme ce qu'on permet de faire en Afrique. Comme tu disais, il y a eu la Formule 1. Il y a eu en 95 l'Afrique du Sud qui a organisé la Coupe du Monde de rugby. Mais c'est les seuls événements qui ont été organisés en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Jeux Olympiques, il n'y a pas eu d'autres coupes majeures. Après, il y a un peu de cyclisme qui est organisé. Il y a des tours, les tours du Ghana, le tour du Bénin, par exemple, qui sont en train de gagner en popularité. Mais il manque une réelle attraction sportive en Afrique pour justement faire briller le continent. Il y avait eu aussi le combat de Mohamed Ali. Oui, Rumble in the Jungle. Mais en partant, on disait Rumble in the Jungle. Ouais, non, c'était assez éloquent. C'est ça. C'était où ça? C'était du Kenya? Kinshasa. Kinshasa, OK. Donc, allez-y, boys, parlez-nous des équipes. Parlez-nous, excitez-nous, donnez-nous. Alors les équipes, il y en a 32. Okay. Ils sont partis. Donc les matchs de qualification se jouent depuis 2007. À la base, il y avait 200 sélections nationales qui étaient en jeu, donc on en a retenu 32. Parmi les surprises qui ont réussi à décrocher leur place, on va commencer par la France. Hein. La France a décroché sa place par chance grâce à une main de Thierry Henry lors de leur match de qualification. Oui, j'ai vu ça. Donc ça avait fait jaser la fédération de foot d'Irlande. A demandé à la FIFA d'annuler le match et de le rejouer, ce que la FIFA avait refusé. Après, ils ont demandé une requête exceptionnelle pour être acceptés en tant que 33e équipe lors du mondial. Puis finalement, ça a été refusé aussi, fait que bon, ils ont arrêté de faire ça. Dans les autres qualifiés surprises, il y a eu la Slovénie qui a réussi à se qualifier en éliminant la Russie. Ça, c'était une grosse surprise parce qu'on attendait vraiment les Russes pour le mondial et finalement, ils seront pas là. Donc la Slovénie qui fera sa deuxième participation. Il y a la Slovaquie qui fera sa première participation à la Coupe du Monde, c'est la première fois qu'il joue. Après, il y a beaucoup de pays dont c'est seulement la deuxième participation. Et il n'y a pas de favori ultime. C'est-à-dire il y a beaucoup d'équipes qui ont potentiellement les moyens d'aller jusqu'au bout. C'est intéressant ça quand même. Mais il n'y a pas un gros favori, contrairement à d'autres années où il y avait une équipe qui pouvait vraiment s'affirmer sur la scène internationale. Cette année, on a le Brésil, comme d'habitude, qui est toujours une référence, comme le Canada au hockey. Je veux dire, on les attend tous les ans. Ça, qui est d'ailleurs fièrement porté par Philippe Doucet ce matin. Ça. D'ailleurs, j'arbore fièrement mes 5 étoiles. Ouais. Et c'est d'ailleurs le seul chandail de foot que j'ai. Donc, c'est un bel addon. Je me suis toujours dit, si t'es pas de ce pays-là, puis tu prends pour ce pays-là, t'es-tu comme un peu un wannabe? Non, mais je veux bien prendre pour le Canada, mais ils sont pas là. Puis je prendrai pas pour les États-Unis, donc non, je m'affilie avec un club champion, c'est ça. Ouais. Comme ça, je suis sûr de bien pareil. Puis si jamais ils passent pas la phase de qualification, ben je l'enlève, je le remets dans le tiroir, puis ça va dans 4 ans. C'est pas plus compliqué. On a-tu des chances? Je reste sur le Canada une minute, là. On a-tu une chance à un moment donné de faire ça, la Coupe du Monde, ou on se classe jamais? On est tout à mal classé au niveau de la CONCACAF? Moi, je vous dirais oui, vous avez une chance, parce que justement, vous jouez dans un système éliminatoire qui est pas si compliqué. C'est-à-dire que la CONCACAF, il n'y a pas énormément d'équipes qui joue en CONCACAF, donc à partir de là, il y a moyen pour le Canada de se qualifier. Mais après, c'est sûr que il y a que 3 places qui sont accordées à la CONCACAF. Okay. Et dedans, il y a le Mexique et les États-Unis. Voilà, ça fait perdre 2. Cette année, ça fait Mexique, États-Unis, puis il y a le Honduras qui s'est qualifié. Donc effectivement, c'est un petit peu compliqué avec le Canada, parce qu'il faut quand même être capable de pouvoir jouer un match contre le Mexique ou les pays d'Amérique centrale qui ont quand même un niveau de foot aussi assez relevé. Okay. Donc c'est jouable, mais c'est pas facile. C'est bon. Puis surtout que plus ça va, plus le sport est en développement au Canada. On commence à avoir vraiment des grosses équipes. Toronto l'année passée a joué contre Real Madrid. Cette année, l'Impact va jouer contre l'AC Milan. Donc plus ça va aller, plus le sport va connaître une effervescence ici. C'est big, ça, l'AC Milan, ce match-là. Oh, on n'a pas le temps d'en parler, là, mais ça va être gros. Je suis très bon, on en parlera la semaine prochaine, mais on n'est pas là la semaine prochaine. Hey, continue ça, les gars, parce que veux pas, l'émission tire à sa fin lentement, mais sûrement. Donc allez-y, continuez avec les équipes favorites. Dans les équipes favorites, c'est principalement, donc ça va être des équipes européennes. On a dit déjà le Brésil, qui est la seule équipe à avoir fait toutes les Coupes du Monde depuis qu'elles existent. Ils en ont jamais raté une seule. Ils ont 19 participations. Ensuite, on a l'Angleterre, qui a une équipe absolument formidable cette année. Mmh. Il devait être emmené par David Beckham, puis finalement David Beckham s'est blessé, donc il va peut-être rejoindre l'équipe en tant que staff technique, on n'est pas encore sûr de ce point-là. Okay. On a les Pays-Bas qui ont fait des éliminatoires absolument dingues, ils n'ont pas perdu un seul match. Et puis l'Espagne. L'Espagne, c'est principalement, je dirais, basé sur le jeu à la barcelonaise, puisqu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe d'Espagne qui jouent à Barcelone. Ils ont un jeu qui est absolument fantastique à regarder. C'est peut-être pas forcément les plus efficaces, mais c'est vraiment les plus beaux à voir, les plus beaux à voir jouer. C'est un vrai spectacle à chaque fois. Et dans les groupes, en fait, les équipes sont réparties en groupes. Et dans chaque groupe, il y a 4 équipes. Donc le groupe qui va être le plus dur, le plus relevé, c'est le groupe G. On l'a surnommé le groupe de la mort. Ok. Dans lequel il y a le Brésil, le Portugal qui va vouloir tenir sa place là, parce qu'ils ont quand même des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Ouais. Ils s'étaient bien classés, je pense, à l'Euro. Le Portugal s'était bien classé à l'Euro. Ils avaient perdu en finale contre la Grèce. C'est ça. Ouais. Bon, la Grèce. Qui cette année-là a fait une surprise incroyable, en fait. Tout le monde croyait que le Portugal allait l'emporter. C'est ça. Et puis ils ont gagné. Ouais. Donc il y aura aussi dans ce groupe-là, il y a la Côte d'Ivoire, qui est parmi les représentants du continent africain, un très très gros challenger, avec des joueurs absolument exceptionnels comme Didier Drogba, qui joue à Chelsea en ce moment, qui connaît lui aussi une saison assez dingue. Et puis la Corée du Nord. Donc ça, c'est aussi une des grandes surprises, c'est qu'on aura la Corée du Nord. La seule fois où ils s'étaient qualifiés, c'était en 66, et ils avaient éliminé l'Italie 2-1. On les attend. C'est-à-dire que la Corée du Nord sont totalement absents du niveau international. On se demandera pas vraiment pourquoi. Mais à mon avis, ils ont laissé partir l'équipe parce que ça se joue en Afrique, donc il y aura pas trop de différence entre les deux pays. Mais bon, bref. Il paraît que la dernière fois que l'équipe de Corée du Nord avait joué en 66, on les a plus jamais revus, parce que comme ils ont perdu leur match contre la Turquie, la légende voudrait qu'ils aient été envoyés en camp d'internement. Et ça, c'est... Hey, c'est pas vrai. C'est vrai. Il y a des écrits qui ont sorti. Puis, il y a des témoignages de gars qu'on dit, qui sont échappés de Corée du Nord, là, puis qu'on dit, quand j'étais au camp de travail, je me rappelle, j'avais vu le joueur, Voyons. Oh, ouais. Hey, faudrait pas qu'on fasse ça avec le Canadien de Montréal, c'est beau. Ah, ben des fois, un petit coup de fouet. Mais ouais, c'est mériterait quasiment. Tout le monde au goulag. Donc c'est ça, ça va être c'est l'événement, je suis désolé pour tous les fans de la Coupe Stanley, mais là, mais c'est vraiment l'événement sportif le plus important dans le monde. Juste comme ça, la dernière Coupe du Monde en 2006, ils avaient généré quand même 957 millions juste avec la vente des droits télé. Et l'audience cumulée, c'était presque 40 milliards de personnes qui ont suivi la compétition. Ben même ici, je veux dire, comment t'as de monde qui connaissent absolument pas ça, vont quand même regarder les matchs. C'est là. Ça. La finale, je crois, c'est 1,5 milliard de personnes dans le monde qui la suivent. C'est l'événement le plus regardé, suivi du Super Bowl probablement. Ouais, ouais, ça doit coûter cher de placer une pub là-dedans. Ouais, ouais. Tu sais, la pancarte sur le bord, là, t'sais, la pub de Coke, là. Ça doit coûter une qui fortune. Qui longe les lignes. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ça doit coûter une fortune. Qui ici est en carton ou en plastique, alors que là-bas est un beau tableau interactif. Ouais, un peu comme on retrouve dans les arénas au deuxième étage. Ouais, c'est du LCD, je pense. Ouais, c'est une technologie quelconque. Là, ouais. Mais, en tout cas, on est loin de l'époque où les publicités tournaient. Où tu voyais les gens qui allaient la changer en chaque entracte. <là. rire> Moi, ce que j'aime, c'est comment ils peinturent. Ils peinturent certaines publicités, puis ils peinturent en angle pour qu'ils soient lisibles comme s'ils étaient de face à la télé. Ouais, toi, tu les vois à la télé, elles sont bien, mais quand t'es dans le stade, tu comprends rien à ce qui a marqué. Ah, il est bon, le gars qui a pensé à ça. T'sais. Félicitations. Ils vont faire ça au hockey, puis à un moment donné. Ben, de toute façon, au hockey, déjà, tu vois quand même très bien les affiches. Hockey, ouais, mais éventuellement, s'ils mettent des coins dans les coins, là, ils vont faire quelque chose comme ça, probablement. J'imagine. Éventuellement. Je sais pas, c'est parce qu'avec l'effet de caméra sur les terrains de soccer ou de rugby, comme c'est un stade ouvert, c'est plus grand. Peut-être plus prendre de taille. Enfin bon. Et juste dernier petit truc en finissant sur les équipes africaines qui. Pour lesquelles moi j'ai beaucoup d'espoir parce que, quand même, là, ils vont vouloir représenter, ils vont avoir leurs supporters. Les surnoms des équipes africaines. C'est quelque chose qui me fait rêver à chaque fois. Donc pour celles qui sont présentes, on a l'Afrique du Sud qui sont surnommées les Bafana Bafana. Ok. Bafana pour garçon. Ça veut dire garçon dans une des 11 langues officielles. Leur équipe des filles, c'est les Banyana Banyana. Attends, ils ont 11 langues officielles? Ouais, ils ont 11 langues officielles. Merci à l'ONU. Toi, Wallace, tu chiales parce que tu trouves qu'on y cite une, c'est juste. Non, mais il est pas là le problème. On n'embarque pas là-dedans. Continue sur le soccer. Et les moins de 25 ans de l'Afrique du Sud, c'est les Amaglugglug. Et les Amaglugglug, c'est à cause juste de leur équipementier parce qu'ils sont sponsorisés par une marque d'essence. Donc le Glugglug, c'était pour l'essence. ce qui m'avait fait rire. Le Cameroun, eux, c'est l'équipe africaine qui ont fait les meilleurs résultats en compétition. Ils ont fait en 90, ils avaient éliminé l'Argentine de Maradona. Puis ils ont été éliminés en quart de finale par l'Angleterre au cours d'un match absolument épique. C'est d'ailleurs l'équipe qui a participé le plus souvent avec 6 participations. Ouais. Okay. C'est l'équipe africaine qui est la plus présente en Coupe du Monde. Eux, ils sont surnommés les Lions Indomptables. Donc eux, ils ont leur surnom depuis 90 parce qu'ils n'avaient pas perdu un seul match avant l'Angleterre. En Algérie, c'est les Fennecs. Ok, normal. L'Algérie, eux, c'est leur troisième qualification. En 82, ils avaient battu la République fédérale d'Allemagne en créant une surprise. Puis finalement, ils avaient été éliminés parce qu'en fait, l'Autriche et l'Allemagne devaient jouer l'un contre l'autre. Et si l'Allemagne gagnait 1-0, l'Autriche et l'Allemagne passaient et puis ils laissaient l'Algérie de côté. Donc ils ont marqué au bout de 10 minutes et puis pendant tout le reste du jeu, ils se sont fait la passe pour éliminer l'Algérie. Donc c'est ça, les Algériens ont une revanche par rapport à la Coupe du Monde et ils sont bien décidés à se venger vu que ça fait 24 ans qu'ils avaient pu participer. Ok. Hey les gars, vu qu'il reste pas beaucoup de temps, j'aimerais savoir vos prédictions. Moi honnêtement, je te dirais l'Espagne. Toi tu vois l'Espagne à ce moment-là? Moi je vois une finale Espagne-Brésil, ce serait assez, fou. Nomme-moi donc certains joueurs d'Espagne pour les gens qui écoutent et qui pourraient peut-être s'identifier à cette équipe-là. Ou peut-être non? En Espagne, ils ont leur gardien, ils ont Valdés. Okay. Après, ils ont leur charnière du milieu, Xavi, Iniesta, qui sont les milieux de terrain de Barcelone. Un peu moins de gros noms, un petit peu, en Espagne. C'est quoi? C'est plus une équipe? Il n'y a pas tant de joueurs individuels qui peut changer la donne. Il n'y a pas de Lionel Messi en Espagne. Si tu regardes le duo, justement, que je viens de te nommer, Xavi et Iniesta, si tu les mets les deux à leur poste, c'est la meilleure charnière centrale du monde à l'heure actuelle. Je veux dire, ils sont les meilleurs. Il n'y a même pas à revenir là-dessus. C'est vraiment... ils sont les meilleurs à leur poste. Okay. Donc l'Espagne, c'est ça. Ils ont un jeu collectif qui est absolument éblouissant. Et à l'inverse, le Brésil, c'est justement par leurs individualités. Mais il y a toujours aussi... jamais parié contre l'Allemagne en Coupe du Monde. l'Allemagne qui, avec son jeu défensif, qui est encore, relativement robuste, est toujours encore, une bonne équipe. C'est encore Oliver Kahn dans les buts? Non, Oliver Kahn n'était pas là. Je suis dépaysé. Ça fait déjà deux Coupes du Monde, il n'était pas là en 2006. Je pense que sa dernière Coupe du Monde était en 2002. Il a fait l'Euro en 2004, mais ça l'a arrêté là. Les États-Unis, cette année, qui pourrait causer une surprise. Vraiment, les États-Unis qui sont de plus en plus émergents sur la scène internationale pourraient vraiment, au moins, selon moi, les demi-finales. Je vois pas ni la France ni l'Angleterre. Non, c'est ce que j'allais vous poser. Est-ce que vous pensez l'Angleterre, que la France, je suis pas certain. L'Angleterre, si moi j'y pense, la France, non, absolument pas. Non, non, la France, non. Si on gagne un seul match dans toute la compétition, ce serait déjà bien. Oh boy, à ce point-là. Ouais, ah ouais, ben, c'est catastrophique. Ah, on est loin des belles années de Zidane. 98, mais, ouais. Puis. Toi, tu vois qui, là, toi, Phil? Ben, moi aussi, Espagne-Brésil, c'est un peu la norme, en fait, là, depuis les deux, trois dernières Coupes du Monde. C'est pas mal ce que tout le monde dit. Mais l'Argentine avec Lionel Messi, si, évidemment, bon, à part Lionel Messi, il n'y a pas énormément de joueurs de grand talent en Argentine. Mais le talent de Messi peut-être justement changer la donne puis venir un peu brouiller les cartes. Je te dirais, moi, le problème de l'Argentine, c'est le même que la France. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui est composée de super bons joueurs, mais ils n'ont pas d'entraîneur, ils n'ont pas de cadre de référence. Mm-hmm. Donc, à moins qu'ils se réveillent d'un coup et qu'ils fassent quelque chose, mais sinon, ça va être comme la France. Je veux dire, ça ne va pas être une grande équipe. Et en terminant, une équipe qui pourrait causer la surprise? Les équipes africaines. Oui. Mm-hmm. N'importe laquelle des équipes africaines, ils vont jouer sur leur continent, ils vont jouer devant leur public. Ils vont être soutenus, les supporters dans les stades en Afrique du Sud, c'est vraiment un truc de malade. Ils ont leur espèce de trompette là, les vuvuzelas qui font un bruit complètement dingue. Donc les supporters vont avoir un rôle à jouer qui va être crucial. Ben, ça va être le fun à suivre, j'ai hâte que ça commence. Ça, c'est diffusé partout un peu. Oui, sauf RDS. C'est Radio-Can. Ça sera Radio-Can. Ah, mais c'est le fun. Ouais. Avec le décalage horaire, ça veut dire que les matchs vont jouer l'après-midi. Ouais. Ça va être l'après-midi. Ça va être vers 14h. Ouais, 14h environ. Donc, les jeunes vont pouvoir écouter ça, ceux qui n'ont pas d'école. Puis ça va être le fun. Allez, je vous remercie beaucoup, les gars. Ben, merci beaucoup. Hey, c'est ce qui. Pierre-Luc, écoute, oui. C'est ce qui conclut notre deuxième saison de l'inconduite de partie. Notre deuxième année. Oui. C'était un plaisir de se lever à tous les mardis matin pour travailler ensemble. Toi, avec JP. JP, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je suis encore là. Ma prédiction. Vas-y. Les Pays-Bas contre Italie, les Pays-Bas qui sont mon équipe. Ah! OK, t'es différent des deux experts, j'aime ça. J'avais une question vite, là. Ouais. Est-ce que Fabien Barthez, c'est encore lui qui est goaler pour la France? Non, Fabien Barthez est plus le gardien de la France. Il était là, lui, depuis les débuts du soccer. Il est tout le temps là, on dirait. Il a toujours été là. Donc, pour revenir à nos adieux pour l'été, c'était fun de travailler avec toi aussi, JP. Tu étais là toute l'année. Ben oui. On peut remercier Sébastien Proulx aussi qui était avec nous durant une bonne partie de l'année. Donc, Colette aussi qui nous a donné la météo à tous les mardis. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On espère que vous nous avez aimés. On se revoit l'automne prochain. Oui, certainement. C'est pas mal ça. Donc, on vous souhaite une bonne été à tous. Profitez des vacances. Amusez-vous, vous le méritez. Ouais. On se laisse en musique. On va aller écouter la chanson Darwin au Vatican de Xavier Caffeine. Ben, merci beaucoup. C'était l'Inconduite de Partie. Pour nous rejoindre, inconduitedepartie.com. Bye, à la prochaine. À la prochaine. Intelligent, il court, il marche, la verge dans le vent.